Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des femmes fortes numéro 638. Et aujourd'hui, le thème de cette soirée jusqu'à 22h à peu près, ce sera le Best of John Lennon de 1962 jusqu'à 1980. Il y aura 14 Beatles parmi les 31 chansons de programmées, et même un peu plus que ça d'ailleurs, dans lesquelles John Lennon chante en lead. Il y aura également d'autres chansons extraites de ses albums à lui, en solo, et évidemment malheureusement trop peu d'albums, puisqu'il a travaillé de 70 à 75, il a fait un break de 5 ans, et puis au moment où il revenait en pleine forme, débarrassé de ses démons, quand il se sentait vraiment bien, et bien il s'est passé ce qui s'est passé, vous le savez. Bon, on va quand même faire un best-of pour lui rendre hommage. La semaine dernière, c'était George Harrison. La semaine d'avant, on avait commencé avec Ringo Starr. Et les deux prochaines semaines seront consacrées à Paul McCartney. Oui, faute de ne pouvoir le concentrer en une seule émission de 2 heures, ce sera deux best-of de 2 heures chacun. Le premier, ce sera de 62 à 1990. Le second, on repart en 92, je crois. Parce que je l'ai fait il y a un petit moment déjà. Jusqu'en 2025. Voilà. Je vous propose de nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et on commente, on se parle, on se dit bonjour. Tout va bien, tout va très bien. Vous êtes sur RIG depuis tant d'années, c'est la saga des Fab Four le mercredi entre 20h et 22h. C'est la radio des Beatles. Extrait du premier album des Beatles, l'album Please Please Me, with Love Me Do and 12 Other Songs, voici Twist and Shout sur RIG. Attribuer cette chanson aux Beatles alors que c'est une reprise et c'est la chanson dans laquelle John a tout donné. Il y a eu 2 prises pour cette chanson-là et c'est la première qui a été retenue puisqu'après la première prise, il n'avait plus de voix, il n'arrivait plus à chanter. Et il a vraiment tout donné pour ce Twist and Shout qui est la dernière plage du disque. Si vous l'aviez en 33 tours, mais remarque en CD, ça doit être pareil, c'est la dernière plage aussi. Il me semble bien. Vous le savez que lorsqu'on fait des choix pour faire un best-of,

the girl, or should I say, she once had me. She's shown me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. Sat on the rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. Toujours en 1965, il y a eu Girl et il y a eu à l'instant Norwegian Wood tiré de l'album, je l'ai dit, je sais plus, tiré de l'album Rubber Soul. Bref, cette chanson-là, Norwegian Wood, marque encore une fois une nouveauté. C'est la première fois dans la musique pop qu'on entendait un instrument, je ne sais jamais si on dit indien ou hindou, en tout cas le sitar proposé par George Harrison. La légende dit que, alors lui d'abord, George Harrison s'y était intéressé depuis le film Help, la même année, donc en 65. Et puis, la légende dit qu'il serait arrivé avec ce sitar. Et John Lennon lui aurait dit, as-tu t'en servir ? Il dit, oui, si tu veux, je peux te jouer dans Norwegian Wood. Et c'est comme ça qu'il en a agrémenté la chanson. Ça a fait un petit plus sur la chanson. Après, George Harrison a écrit pour le sitar, comme Within You, Without You, par exemple, etc. Mais là, c'était la première fois. Les Rolling Stones l'ont fait, mais après, hein ? Et d'autres aussi l'ont fait. Mais les Beatles précurseurs, comme d'habitude, vous êtes sur RIG, c'est la saga des Fab Four numéro 638, mais oui, 638, sur cette antenne. Cette émission existe depuis 1984 et je suis votre serviteur Thierry Gallet jusqu'à 22h. See you. quelle innovation. Nous sommes en 1966 sur l'album Revolver et à partir du mois d'août, les Beatles en ont marre parce que ils ne s'entendent plus en concert. Ils y vont, mais presque à rebrousse-poil parce que quand ils y vont, les cris des femmes, et peut-être des hommes aussi, on ne sait jamais, sont tellement forts qu'ils ne s'entendent même pas jouer. Même pas. Bon, il faut dire que le matos de l'époque, c'était pas le matos que peuvent avoir des groupes maintenant ou que peut avoir McCartney lorsqu'il est venu nous voir au mois de décembre l'année dernière à Paris, quoi. C'est totalement autre chose. Mais ils sont dégoûtés, ils en ont marre, ils arrêtent. Pourquoi ? Parce qu'ils commençaient à faire ce que vous venez d'entendre là. De la musique de plus en plus complexe, de plus en plus impossible, on va dire, à refaire en concert. Mais à tel point qu'ils vont s'arrêter pendant des mois et des mois en 1967. Les bruits courent, les bruits disent « Les Beatles, c'est fini, on n'entend plus parler d'eux, donc c'est fini. » Non, c'était pas fini. C'était très très loin d'être fini parce qu'ils étaient en train, tout doucement, très discrètement, de consacrer des mois à l'élaboration de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Voici deux extraits dans lesquels John Lennon s'est mis en pointe. Dans le premier extrait, c'est un dessin que lui a ramené Julian, son fils, qui avait donc, il est né en 63, il avait eu 4 ans à peu près, maximum. Un dessin de Lucie dans le ciel avec des diamants. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Il n'en a pas fallu plus pour emprunter des images à Lewis Carroll et puis à partir un petit peu dans les nuages, quelque part. Cette chanson a été interdite à la BBC parce que Lucy in the Sky with Diamonds faisait les initiales de LSD. Il jure, John Lennon, qu'il ne l'a pas fait exprès. C'est son fils qui lui a dit ça. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope. Yeah!

l'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Là encore, je vous ai proposé le mix des 50 ans de l'album sorti en 2018. Et vraiment, le son est absolument extra. Écoutez-le au casque, vous allez voir. 1968 pour cet album-là. Autant Sgt Pepper, la couverture par exemple, était très très chargée. Autant là, ils ont décidé de faire le contraire pour l'album suivant, l'album blanc. Il n'y a même pas de nom d'album, il y a marqué The Beatles, mais en blanc aussi. Donc c'est presque du braille, parce qu'on devine qui a écrit les Beatles. Ce sont les fans qui ont fini par l'appeler l'album blanc. Et surtout, cet album blanc marque le début du commencement de la fin. C'est-à-dire qu'ils étaient unis à peu près, même plutôt bien, jusqu'à Sgt Pepper. Et puis là, ils commencent à aller chacun de leur côté. Les inspirations vont à droite et à gauche. Ça reste encore absolument très, très, très, très bien. On dit que cet album-là montre un petit peu ce que seront les Beatles une fois séparés. Même si à l'époque, c'était pas encore dans l'air du temps, quoique. Je vous propose d'aller sur le dernier album enregistré. Le dernier, oui, c'est l'avant-dernier sorti, puisque c'est Abbey Road. Là encore, sur la pochette, juste les quatre qui traversent. On comprend qu'ils quittent Abbey Road pour aller ailleurs. Et pas de nom de groupe, pas de nom d'album. Et pourtant, on sait qu'il s'agit des Beatles. C'est absolument fabuleux. Ce titre, qui dure 7 minutes, qui est une chanson extrêmement simple pour les paroles. Il a voulu, influencé par Yoko, oui, je sais, mettre vraiment le minimum de mots. « want you, I want you so bad. Yeah. Plus dur pour moi est d'arrêter la chanson là, parce que c'est un best-of de John Lennon et je ne veux pas en passer plus, mais quelle fin pour les Beatles, c'est vraiment très très bien. Nous sommes en 1969 et John Lennon en a marre, il claque la porte des Beatles, et il va se barrer à Toronto, un petit peu, mais comme on était en plein remaniement, il y avait un changement de manager, puisque évidemment, vous le savez, Brian Epstein était mort en 1967, là on est en 1969. Les trois Beatles, Lennon, Harrison et Starr, veulent imposer Alan Klein. Paul McCartney est absolument contre. Et à l'époque, enfin, avant ce moment-là, c'était si tous les quatre, on est d'accord, tout se passe bien. Si un des quatre dit non, c'est non. Eh bien là, ça ne marchera pas le truc. John Lennon dit, c'est mon groupe, c'est comme ça, moi je veux Alan Klein. Et McCartney nous fait un fromage, il n'est pas content. Bref, John Lennon s'en va pendant un temps et tous les autres disent, bon, et on dit rien, on laisse passer. Ne dis pas à la presse que tu n'es plus avec les Beatles, parce que c'est pas le moment. On fait des actions et tout ça, on essaie d'avoir plus d'argent avec les chansons, etc. On renégocie les contrats, c'est ce que je cherchais à dire. Ça n'est pas le moment. Lennon ne dira rien. Il va partir à Toronto et il va dans une chambre d'hôtel. C'est l'hôtel Reine Elisabeth à Montréal, tout simplement. Il va enregistrer une chanson co-signée Lennon-McCartney, bien que ce sera la dernière chanson co-signée Lennon-McCartney. Elle a été enregistrée le 1er juin 69 dans une suite de l'hôtel Elizabeth, donc de Montréal, dans le cadre du deuxième bed-in du fondateur des Beatles et de sa nouvelle épouse, Yoko Ono. Militant pour la paix dans le monde, entouré de nombreux participants célèbres ou anonymes. Dans cette chanson, Lennon invite simplement à donner une chance à la paix dans le contexte, entre autres, il faut bien y penser, de la guerre du Vietnam. Il s'agit donc d'un hymne à la paix. Et justement, là aussi, ça a taclé un petit peu entre Lennon et McCartney. Lennon voulait faire de la politique avec ses chansons, McCartney n'était pas pour. Donc, fatalement, on allait vers la fin. One, two, three, four.

Didn't want to hurt. Je suis un mec jaloux. La chanson date, en fait, l'air pour être exact, date de 1968 avec le titre de Child of Nature. Mais comme ça ressemblait pas mal à Mother Nature's Son, Lennon le gardera dans les placards pour le ressortir en 1971 en changeant complètement le set de paroles et en mettant cette très très belle chanson. Seed, playing the mind game.

be anywhere. All right. Un an plus tard, sur l'album Walls and Bridges, John Lennon nous propose le rêve numéro 9. Il avait quelque chose avec le 9. D'un autre côté, il était né le 9 octobre. Son fils, Sean, est né le 9 octobre aussi, quelques années après, forcément. Et il est mort le 8. Unfolding. Ah, Papa Kawa, Papa Seko, Seko. Eh oui, Abba Wakawa, poussé, poussé, forcément. Hein, je pense qu'on ne l'aurait pas dit autrement. Nous arrivons en 1975. Je vous propose deux titres. Le premier, c'est You Can't Catch Me. Et le deuxième, je l'adore encore plus que le premier que nous allons entendre, c'est Slipping and Sliding, sur RIG, dans la saga des Fab Four, consacré entièrement à John Lennon. sur son dernier album en 1980, il nous offre encore une pépite, Woman sur RIG. En 1995, les ex-Beatles se réunissent et terminent une chanson que John avait commencée, Free as a Bird. L'idée, c'était, John est parti en vacances, il nous a laissé la cassette en disant, débrouillez-vous, je sais que vous ferez ça bien. Ils ont fait ça bien, rappelez-vous, Free as a Bird sur RIG. Whatever happened to the J'ai envie de dire stop ou encore. Encore ? Allez, encore. Real Love sur RG. Like little girls. it's all because of you. And now and then, if we must start again, well, we will know for sure that Eric d'avoir eu la patience d'attendre la fin de Now and Then. C'était impossible de couper ça quand même. Merci à vous toutes et tous. C'était le spécial John Lennon. La semaine prochaine, on entame deux spéciaux best-of. Le best-of McCartney 1962-1990 et le spécial la semaine suivante McCartney 1992-2025. Bonne soirée. Je sais que ça va être très très bien. Les duos impossibles là de Johnny de A à Z avec Eric, et je sais que je vous laisse entre de très bonnes mains. À très bientôt, salut, ciao.